J'écris pour m'évader de ce monde dingue dingue d'aliéné. La vie est si courte que j'ai même pas le temps de traîner ou de freiner. Parfois je perds le contrôle et je me sens faible, alors j'écris sur ma feuille pour ne pas prendre des enfaites. En fait, j'écris pour déposer mon cœur sur les lignes. Fa qui je signe ma rage pour ces gouvernements indignes. J'écris pour imaginer t'inviter dans ma réalité. Je vais me l'été pour la paix, mais la peine fait la paire, est-ce une fatalité? J'écris mon amour, j'ai même décrit combien je l'aime. Mais aujourd'hui les larmes coulent man et je crie pour qu'elles reviennent. J'écris pour les rageurs, sans respect, je lève le majeur. Je peux verser des larmes sur mes pages, mais au final faut que ça gère. J'exagère. J'écris par envie, y'a pas d'heure ni d'endroit. L'inspire en moi, je fais les 100 pas comme un assassin, femme et de sang, mais sans proie. J'écris pour ressortir le mal, même si ça change rien. Moi je continuerai demain. J'ai pris ce stylo plus d'un millier de fois. J'ai trop d'angles sur les doigts et la peine ne part pas, ouais. Je continuerai déposer mon avis à travers ces lignes. La vie c'est pas le paradis et c'est bien pour ça que j'écris. J'ai pris ce stylo plus d'un millier de fois. La pluie tombe sur les toits et la peine ne part jamais. Je continuerai déposer mon avis à travers ces lignes. La vie c'est pas le paradis et c'est bien pour ça que j'écris. J'écris quand rien au monde ne peut combler ma solitude à part le mic. Quand je me sens seul sur le sol avec ma paire de Nike. Quand tout part en vrille ou simplement pour me faire plaisir. Pour le délire sans me relire, c'est ma fantaisie, c'est mon désir. J'écris pour apporter au rap un peu d'originalité. Donc fuck le plagiat, il faut de la singularité. Depuis petit devant ma maîtresse, j'écris mes sentiments sans cesse. Si tu comprends pas, regarde dans le dico à la lettre S. J'écris pour partager ça, pareil que je suis bon qu'à ça hein. Alors me prends pas pour un lover, j'ai tué le beat comme un assassin. J'écris selon mon état d'âme, mon amertume, la tristesse, le bonheur. Je crois que tout est passé sous ma plume. J'écris pour donner au rap une belle image, pas de mirage. Moi j'écris la réalité qui est si large. Je sais que ce putain de temps ne m'attend pas. J'écris comme je respire, même si le monde ne m'entend pas. J'ai pris ce stylo plus d'un millier de fois. J'ai trop d'angles sur les doigts et la peine ne part pas, ouais. Je continuerai déposer mon avis à travers ces lignes. La vie c'est pas le paradis et c'est bien pour ça que j'écris. J'ai pris ce stylo plus d'un millier de fois. La pluie tombe sur les toits et la peine ne part jamais. Je continuerai déposer mon avis à travers ces lignes. La vie c'est pas le paradis et c'est bien pour ça que j'écris. C'est ma passion, ma consolation, ma consommation, qu'on soit d'accord. C'est ma notion, ma leçon, ma façon de vivre. Je dessine mes notes sur canson, pas sur crépon. Je construis mes textes comme un maçon, je bâtis mes sons, je délire, je respire, je m'inspire et cette spirale m'aspire. Cette spirale m'attire, tant de choses à dire, un putain de besoin d'écrire. T'es dans ma ligne de mire, j'esquisse un petit sourire, mes tirs et au sniper je tire. J'écris pour laisser ma petite trace, trop vite le temps passe. Et quand je me sens mal, j'écris pour me barrer dans l'espace. Cette vie rose est pleine de roses, trop peu de gens sont courtois. J'écris pour chercher les réponses quand y'a trop de pourquoi. Regarde autour de toi, j'écris pour ceux qui t'aiment pas. J'écris pour ceux qui m'aiment pas, pour ceux qui sont pour les gens qui s'aiment pas. J'écris même si personne au monde ne comprend ça. Moi j'écris ça, parce que la musique est ma seule voix. J'ai pris ce stylo plus d'un millier de fois. J'ai trop d'angles sur les doigts et la peine ne part pas, ouais. Je continuerai déposer mon avis à travers ces lignes. La vie c'est pas le paradis et c'est bien pour ça que j'écris. J'ai pris ce stylo plus d'un millier de fois. La pluie tombe sur les toits et la peine ne part jamais. Je continuerai déposer mon avis à travers ces lignes. La vie c'est pas le paradis et c'est bien pour ça que j'écris. C'est pour ça que j'écris, pour ça que je crie. C'est pour ça, c'est pour toi, c'est pour moi. Et c'est pour ça que j'écris, pour ça que je crie. C'est pour ça, c'est pour toi, c'est pour moi. Et c'est pour ça que j'écris, pour ça que je crie. C'est pour ça, c'est pour toi, c'est pour moi. Et c'est pour ça que j'écris, pour ça que je crie. C'est pour ça, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour ça que j'écris, même si ça change rien. C'est pour ça, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour ça que j'écris. Ouais. Même si ça change rien.